La maison d'édition près le Parti du Travail de Corée a fait paraître le tome 15 des œuvres complètes de Kim Jong-il, collection des immortelles idées du Tuché et de l'idée du Sun-gun, contenant ses ouvrages classiques par ordre chronologique et d'une manière intégrale. Il contient 83 œuvres comme Entretien, Discours et Conclusions historiques, publiées depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet de l'an 60 du Tuché 1971.